fan caché quand je rappe des forêts. Venu passer la vitesse pour la vitesse. Fuck la fitness, ici les fitties. Rien à battre, c'est la zone rap. Nique ceux qui rappent light. On casse jamais de hardback. J'ai besoin de personne, espèce de sale bâtard. Si la concurrence c'est un match, je suis le seul buteur. Au tilleul, on t'étouffe avec des sacs Lidl. Ici les Lidl cassent ta laide gueule. Dans le regard des gens vus comme des bactéries. Arrête le rap, c'est des putes qui bactérient. Des steaks du grincheux dans ton crâne chaud. On éclate la baraque sans manger du crunch. Je suis Marco, je représente les dix. Je suis la casse, moi je représente les pointards. Je suis celui qui fait vibrer sur le violon. Je suis celui que tu vois dans tes cauchemars. Je suis Marco, je représente les dix. Je suis la casse, moi je représente les pointards. Je suis celui qui fait vibrer sur le violon. Je suis celui que tu vois dans tes cauchemars. Baisse tes yeux quand j'arrive, ça le fait. Et où l'enfoiré qui veut me faire chier pour long time. Le rap encerclé comme Miss Lina en cours. La France en chien de comme une puce en Yankee. Ils font tous de la merde, ils me demandent tout ce que j'en pense. Bah, soyez de mieux si j'y passais beaucoup de temps, gars. J'arrive en mode déclassé, ta petite carrière effacée. Aujourd'hui, je me débrouille, les frères, faut que vous le sachiez. Je vous donne que du lourd, pas de la merde dans sa chier. T'acharnes pas mon fiston, ton pote ou mon pifton. Fais pas ton bras, je serai ta merde à tes pistons. Jack et les MC vont la régatia. J'ai du calibre 12 sponsorisé par point tard. Je suis Marco, je représente les clients. Je suis la casse, moi je représente les pointards. Je suis celui qui fait vibrer sur le violon. Je suis celui que tu vois dans tes cauchemars. Je suis Marco, je représente les clients. Je suis la casse, moi je représente les pointards. Je suis celui qui fait vibrer sur le violon. Je suis celui que tu vois dans tes cauchemars. Avec les States, on peut pas dire qu'on s'entend. Mais le 11 septembre, c'est du 11 septembre. C'était la S, enregistrement dans un dictaphone. Maintenant, dictaphone, quand il dicte à fond. Rien n'est réciproque, que des fausses idées. Solidaire, y'a que les putes qui disent faut céder. Rien de neuf à part de flow fantastique. Représente les Tiegas avec du fantastique. J'serai à la hauteur de vos rimes et mouvements. Je frappe sur le kick et les doux tombent sur la mélodie. Ça se passe bien, frangin, je l'avais prédit. Y'a pas d'erreur là où ne faut pas sonner. Placage au sol où tu finis pas sonner. La concurrence, c'est de l'arnaque. Tu t'es pris un coup fatal.